Bon, voilà, on est tout seul. Tout le monde est parti, ben, on se retrouve dans la calme, que pour aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, on va avoir à 11h40, donc à cette heure-ci, Patrice Caillé et Jérôme Poré, qui aujourd'hui sont en voyage pour venir à Genève. Je crois qu'ils sont dans le train actuellement. Ils sont dans le train, qu'on les salue bien, parce qu'ils sont sûrement en train de nous écouter avec leur 4G. et donc, objet sonore, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus? Donc, durant toute la semaine au Festival à Archipel, Patrice Caillé et Jérôme Poré, qui sont deux artistes sonores français, auront un stand à côté de celui de Vincent de Roguin, où ils présenteront des objets phonographiques. Ils nous en diront un peu plus sur ce qu'ils entendent par objets phonographiques demain. Mais donc des objets qui seront allés glaner essentiellement aux puces de la plaine de Plainpalais. Et ils viendront en faire sonner quelques-uns durant notre émission. Et donc là, pour le moment, ils nous ont envoyé un enregistrement d'un objet. Là, il s'agit de vinyle qu'ils font jouer et qu'on va écouter tout de suite. Yeah. Je Archiradio. La radio du festival Archipel. En direct. De 10h à midi. Du 1er au 10 avril 2022. Sur archipel.org. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'était une création de Patrice Caillé et Jérôme Poré, un avant-goût des objets singuliers qui viendront nous faire entendre tous les jours dans le cadre de Archi Radio à 11h40. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on a eu Marie et Denis, donc les co-directeurs et co-organisateurs du festival, qui nous ont pu élucider sur la programmation du festival de la journée. C'est notre petit espace dédié pour vous présenter ça, mais on va quand même essayer de le repasser. Donc aujourd'hui, si vous venez au festival Archipel, qui commence à 18h avec une performance pour haut-parleur mobile à l'extérieur, donc je crois dans la cour de la maison communale avec Cathy Van Eck. Et puis à l'intérieur de la maison, à partir de 19h, avec une diffusion ambisonique, hein, c'est bien ça, donc dans la grande salle, donc ce dispositif de... on n'a pas compris s'il y en a 80 ou 90 ou 100 de ces haut-parleurs. Mais en tout cas... Il y en a beaucoup, en tout cas. Il y en a beaucoup. Peut-être on pourra chaque jour en compter un petit peu pour... Mais demain, il y aura un petit documentaire sur ce dôme ambisonique qui pourra nous en dire un peu plus, voilà, pour les curieux. Exactement. Puis à 21h, toujours dans la grande salle, il y aura le concert de Katie Lane. Et à 22h30, dans le salon d'écoute, Olivia Bloch, qui va faire une conversation acousmatique. Voilà, et puis nous, en ce qui nous concerne, on revient demain matin à partir de 10h et on sera en présence de la musicienne Nina Garcia, qui sera interviewée par Sixto, programmateur de la Cave 12, donc salle de musique à Genève. Puis accompagné de toute notre équipe de Archi Radio. Donc, Et on aura le partage d'écoute avec Katie Lane, donc le concert de ce soir. Et on voulait retourner peut-être sur le jeu du son mystérieux qui n'a pas été attribué, l'entrée, car manque d'appels. On a reçu des appels, mais moi j'ai remarqué après coup dans mon téléphone, je crois que des gens ils n'ont pas capté d'appeler le numéro du studio et pas le mien, comme ça. Donc, vous, comme vous voulez quand même attribuer l'entrée pour le concert de Katie Lane, on s'était dit de peut-être rappeler Johanna. Rappeler Johanna, à voir si elle est là. Okay. Et pour lui annoncer ça, qu'il aurait la possibilité de rentrer. On essaye d'appeler. Bah, voyons. On ne sait pas qui va répondre. Numéro inconnu, elle n'est pas un numéro inconnu. Peut-être en train de travailler. Enregistré dans vos téléphones, le 078 244. Vous êtes connecté à la boîte vocale Sunrise. On lui laisse un message. 078. Il faut que toi lui laisses un message. 2779 06. Enregistrer un message après le signal sonore. Allô, bonjour, ici Archi Radio. On revient à propos du concours du son mystérieux que vous n'avez pas vraiment gagné, mais quelque part. Pas mal l'idée de l'omelette. Donc, on voudrait quand même vous offrir la petite invitation pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler si ça vous intéresse. Sinon, à la prochaine. Merci beaucoup, Johanna, pour ce non-réponse. En tout cas, on vous attend ici à la maison communale. Comme vous avez pu comprendre... C'est une vraie maison qui a été aménagée, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espaces différents, des espaces d'écoute, des espaces de consultation, des espaces de relaxation, des espaces de jeu. Ah, attention, on a Johanna. Bon, du coup, vas-y, on la prend. Allô, allô. Allô ? Oui, bonjour, c'est Archie Radio. En fait, on a laissé un message pour vous dire qu'en fait, on... Oui, c'est Johanna. C'est pour Johanna ? Non, c'est pas Johanna. Ah non, ouais, je la passe. Merci beaucoup. C'est bon parce que... Allô ? Oui, bonjour. C'est oui. Rudy de Archie Radio. Ah oui, bonjour. Comme on n'a pas vraiment trouvé de vainqueur pour le son mystérieux et qu'on a beaucoup aimé la proposition de l'omelette, on voudrait quand même vous remettre l'invitation pour ce soir. Donc ah, voilà, vous avez gagné. Bravo, malgré tout. Ah mince. Voilà. Yeah, bravo, Johanna. Oui, donc on vous attend ce soir à 21h. Ah ouais, mais 19h. C'est loin ? Oui, c'est loin. C'est à Genève. C'est à Genève. Téléportez-vous. Et puis, vous êtes où, Johanna ? Je suis à Vevey. Ah, Vevey, c'est à 1 heure en train, pile. Donc, c'est pas si loin. Si tu pars maintenant, tu t'arrives. Voilà. Bon, ben, je vais m'organiser. Oui, organisez-vous. Donnez-moi mon adresse mail. On se rappelle plus tard hors antenne. D'accord, d'accord. Très bien. À bientôt. Super d'avoir rappelé, effectivement, c'était pas Johanna. Et puis du coup, par rapport à l'idée que la maison est en vivante, il y a juste les installations sonores, puisque ça commence aujourd'hui, donc à 18h, des installations sonores assez magnifiques et cas relativement particulier, c'est-à-dire que plus il y a d'activités, certaines installations fonctionnent d'autant mieux. C'est comme celle de Claire Frachebourg, donc, qui est à l'écoute de la maison, donc vraiment venez ce soir ou n'importe quand, dès demain, à partir de midi. Exactement. Venez vivre la maison du peuple. Et du coup, aussi le restaurant, peut-être à partir de demain, on aura le menu du jour. Comme ça, vous savez qu'est-ce que ça vous attend. En tout cas, vous connaissez le prix. Le plat du jour, les chômeurs qui vont au bain de Paquis, à la buvette de la bain de Paquis, qui peuvent avoir ce prix, hein, ouais. À Genève. Donc, on vous attend.